Chapitre 5e. Une fois dans sa chambre, elle l'assit dans un fauteuil, son unique fauteuil, un Voltaire qu'elle avait longtemps désiré, et dont elle se servait quelquefois le dimanche quand elle se reposait l'après-midi en lisant. Cela fait, elle courut chercher sa lampe, puis ayant à son lit, elle en enleva la couverture de laine, et elle enveloppa son malade dedans depuis les épaules jusqu'aux pieds. Et vivement, elle s'occupa à rallumer le poêle, qui ne tarda pas à ronfler. « Prenez patience, dit-elle, je vais vous faire chauffer du bouillon. » Elle passa dans sa cuisine en laissant la porte ouverte de manière à pouvoir le regarder. Il était accroupi dans le fauteuil, ramassé, tassé sur lui-même, comme on l'est quand on a froid. Mais il y avait plus que du froid dans son état, une extrême faiblesse causée par le besoin à coup sûr. À le voir ainsi, elle se demandait s'il n'allait pas mourir. Et cela l'empêchait de se hâter autant qu'elle l'aurait voulu. Elle voyait mal. Elle était d'une incroyable maladresse. Cependant, la braise fut vite allumée et le bouillon ne tarda pas à être chaud. Elle le lui apporta tout fumant, et comme il tremblait toujours, elle l'aida à approcher la tasse de sa bouche. Une fois qu'il eut trempé ses lèvres dans le bouillon, il ne les détacha plus du bol qu'il ne le vidait. Alors la chaleur intérieure, s'ajoutant à celle que lui communiquait le poêle, lui fit pousser un soupir de soulagement, long, profond, comme s'il reprenait la vie. « J'aurais peut-être dû y mettre du pain, » dit-elle. « Oui, » murmura-t-il. « Je vais faire chauffer une autre tasse de bouillon. » Pendant qu'elle courait de nouveau à sa cuisine, il s'allongea dans son fauteuil et, sortant ses mains de la couverture, il les posa sur le poêle en le caressant. Elle lui apporta bien vite une seconde tasse qui, cette fois, contenait une vraie soupe. Il la mangea avec la même avidité qu'il avait bu le bouillon. « Vous êtes mieux, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle. Il lui tendit la main. « Vous m'avez sauvé la vie. » Elle chercha des paroles pour traduire son émotion et, ne trouvant rien, elle se mit à sourire doucement. Avec le ton de l'interrogation, « Vous étiez malade ?»« L'autre matin. » Il chercha. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui » demanda-t-il. « Jeudi. » « Comment jeudi ?»« C'est possible, après tout. Je n'aurais pas eu conscience du temps écoulé. Eh bien, lundi matin, je me suis levé très faible après une nuit de fièvre. Je me suis senti malade et incapable de marcher. » N'ayant de force que tout juste ce qu'il fallait pour porter une lettre à la poste, j'ai écrit à une personne de venir me voir, et remonté dans cette mansarde, je me suis couché. Sans doute la fièvre m'a repris, et avec elle le délire, car je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai cru que c'était cette personne qui arrivait quand vous avez frappé à ma porte. « Elle n'aura pas pu venir ? » dit-elle d'un air apitoyé. « Sans doute elle n'est pas à Paris, sans quoi elle serait venue. Sans vous, je serais mort. » « C'est le bon Dieu qui m'a donné le courage d'aller frapper à votre porte. Vous savez donc que j'étais dans ma chambre. Des voisines, inquiètes de ne pas vous voir, étaient venues me dire que vous étiez sans doute malade et me demander si je vous avais entendu. Je ne vous avais pas entendu. J'ai proposé de frapper, elles n'ont pas voulu. Parce que, mon Dieu, je peux bien vous répéter ce qu'elles ont dit. Parce que vous n'êtes pas un homme avec qui on se familiarise. Ah, vraiment, vraiment. » Et d'un ton satisfait, en se redressant, lui qui, quelques instants auparavant, pouvait à peine se soutenir, il répéta ces deux mots à plusieurs reprises. Quand elles ont été parties, j'ai écouté plus attentivement, mais sans rien entendre. Je me suis couché. Une fois au lit, toutes sortes d'idées m'ont passé par la tête. Je me suis dit que c'était un crime de vous laisser mourir sans secours si vous étiez malade, là, à côté, que je serais responsable de votre mort, et je me suis levé, et j'ai frappé. « Vous êtes un brave cœur, » dit-il. « Ce qu'une autre aurait été à ma place. Je n'ai rien fait qu'une autre n'aurait fait comme moi, et peut-être même mieux que moi, plus vite, plus à propos, sans hésitation. Voilà pourquoi je ne comprends pas que vous n'ayez pas appelé, quand vous vous êtes senti malade, moi ou une autre, puisque vous ne me connaissiez pas. Enfin, votre voisin ou votre voisine, celui ou celle qui était près de vous. Si ce qui vous est arrivé m'était arrivé à moi, « je vous assure que je n'aurais pas hésité, j'aurais cogné au mur, je me serais dit. Il y a là, de l'autre côté, quelqu'un qui ne demandera pas mieux que de me venir en aide, et qui même en sera peut-être heureux. Le monde n'est pas si méchant. Il n'y a pas besoin de connaître les gens pour leur tendre la main, quand ils sont malheureux et qu'ils ont besoin de nous. Vous croyez ? Il me semble, mais je ne sais pas la vie. C'est comme ça que je le sens. » Le bouillon et la soupe avaient produit un effet réconfortant auquel s'était ajoutée la douce température de la chambre, la chaleur du poêle qu'il tenait entre ses mains et entre ses jambes, le bien-être de sa position dans ce fauteuil et encore et surtout la sympathie, l'intérêt qu'il inspirait et qu'on lui témoignait. « C'est vraiment une belle chose que le dévouement, » dit-il. « C'est si naturel. Mais de ma part, il n'y a aucun dévouement. J'étais à vous parce que vous aviez besoin de moi, comme vous seriez venu à moi si j'avais besoin de vous. Certainement. » Puis tout de suite, comme si elle ne voulait pas rester sur cette idée, mais en la suivant néanmoins malgré elle, « Si vous preniez une autre tasse de bouillon, » dit-elle, « non, je vous remercie. Je la prendrai avec plaisir, mais je craindrai qu'après... » Cette abstinence, elle ne me fit mal. Elle pourrait me donner un nouvel accès de fièvre. Demain matin, si vous voulez. Ce soir, je ne veux pas abuser de votre hospitalité. Vous devez avoir besoin de dormir. Attendez encore un peu. Je vais vous faire chauffer une bouteille d'eau. Cela vous empêchera de trouver votre lit aussi froid. » Elle passa dans la cuisine et, pendant que l'eau chauffait, à deux ou trois reprises, elle regarda dans la chambre pour voir comment il était et si le mieux continuait. Il s'était encore approché du poêle pour emmagasiner de la chaleur, et ayant soulevé l'abat-jour de la lampe, il regardait autour de lui avec une expression de physionomie qu'elle ne comprenait pas bien. C'était à croire qu'il estimait son mobilier, mais c'était là une idée si ridicule qu'elle ne s'y arrêta pas. Elle revint bientôt avec une bouteille de grès enveloppée dans un linge. Cependant, elle ne crut pas avoir encore assez fait, et comme il allait déposer sur le fauteuil la couverture dans laquelle elle l'avait enveloppée, « Emportez-la, je vous prie, » dit-elle, « je n'en ai pas besoin. J'ai mon chat Gros Milord que je mettrai sur mes pieds. » Il ne fit aucune façon pour accepter, et ayant roulé la couverture autour de la bouteille, il se prépara à sortir. « Effectivement, » dit-il, « cela tient très chaud, un chat. Bonsoir, mademoiselle. Ne fermez pas votre porte à clé. Je vous porterai votre bouillon demain matin. Non, merci. » Elle lui prit le bras pour le conduire jusqu'à sa chambre. Elle avait pensé un moment à aller elle-même mettre cette bouteille d'eau chaude dans le lit, mais elle n'avait pas osé, retenue par un sentiment de discrétion et de réserve. Il lui semblait que maintenant qu'il avait recouvré la connaissance, il ne pouvait que souffrir qu'on entrât dans sa chambre et qu'on fût témoin de sa détresse. Évidemment, ce n'était pas un homme qui avait toujours vécu dans la misère. Il avait été quelqu'un dans le monde. Il n'y avait qu'à le voir une fois pour en être sûr. Il avait de la dignité, de la fierté. Elle devait veiller à ne pas l'humilier. Ce qu'il venait de répondre était un indice. Puisqu'il avait la force de porter cette bouteille et de marcher, il valait mieux le laisser libre. Dans l'état où il se trouvait maintenant, il se tirerait bien l'affaire tout seul.